Ainsi soit-il. Jean-Paul et moi avons eu cet immense privilège de lier connaissance bien avant de tomber en amour. Au fil des jours, au gré des mois, notre amitié s'est développée, sans effet de manche, sans séduction ni rivalité. Sans doute sont-ce nos enfants intérieurs qui se sont reconnus. Lui, ce petit garçon en culotte courte, et moi, cette fillette en jupette à carreaux. Cette image mentale m'habite encore aujourd'hui et illustre bien l'incroyable innocence de notre relation. La confiance absolue, le dévouement, l'intégrité et l'émerveillement. Nous nous sommes apprivoisés, lentement, mais sûrement. Des sages chinois qui auraient voulu arranger notre mariage n'auraient pu faire mieux. À quelques détails près, nous pouvons revendiquer les mêmes antécédents, niveau de fortune, éducation, expérience, enfance atypique et goût pour le riz correctement cuisiné. D'ailleurs, la preuve, souvent les gens nous prennent pour frères et sœurs. Au commencement, je les nourris en l'écoutant. Pour digérer, on allait prendre l'air. Sans y toucher, il m'a appris à reconnaître les plantes. Un jour, il a perdu son logement. J'allais pas le laisser dehors quand même. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans la même maison. Il m'a dorloté quand j'étais mal fichue, fait rire et réfléchir quand j'étais déprimée, fait grossir avec sa folie des croissants chauds et des plateaux de fromage. Avec son appétit de vivre, il a rempli ma vie d'idées, de projets, de musique. Tombé malade, sans espoir de guérison, il a connu le désespoir et le doute quant à son avenir. Je lui ai tenu la main juste au retour des choses. Plus tard, il s'est inscrit dans une école d'art graphique dans l'espoir d'une reconversion. Et pendant tout ce temps-là, nous avons parlé encore en toute sincérité. Jusqu'au jour où nous avons plongé ensemble. La vie semblait vouloir nous donner une troisième chance. Il s'agissait de ne pas la rater. Pas question de nous laisser submerger par nos hormones en oubliant notre intelligence, notre humanité, notre spiritualité. Nos deux êtres tendaient vers un bel idéal de perfection, tant en amitié qu'en amour ou dans l'expression de nos talents. En être conscient et le vivre chaque jour est devenu un objectif prioritaire. Nous trouvons un premier nid à Aigle, aux portes du Valais. Ainsi, Jean-Paul pourra suivre ses cours d'art graphique. Et si d'aventure je trouvais du boulot chez Nestlé à Vevey, je ne serais pas trop loin. La maison rue de la Fontaine comporte deux étages, dont un mansardé. Bourrée de charme, elle donne sur la Grande Eau, une rivière qui descend depuis les Diablerets. Et je me réjouis déjà de guider les premiers pas de ma fille Charlotte sur le chemin qui la longe. Le décor est planté, les cartons déballés, les placards organisés. Nous nous regardons. Et si nous faisions notre bébé? Un qui serait bien à nous. Tu crois que c'est encore possible? Qu'on a le droit d'y croire? J'accuse 40 ans, toi tu es handicapé, tous deux nous sommes englués dans une société gouvernée par la peur. Peur instillée, peur diffuse mais omniprésente, peur de manquer, peur du chômage, peur de la maladie, peur de déchoir, peur de mal faire, peur du qu'en dira-t-on, peur de tout. Une société rendue docile en somme pour mieux servir des intérêts qui ne sont pas forcément les nôtres. On nous dira qu'il faut être inconscient ou irresponsable pour se lancer dans l'aventure en 1995. Oui, certes, mais était-ce plus raisonnable de le faire en 1347, lors de la peste noire, en 1685, à la révocation de l'édit de Nantes, en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ou en zéro? Soyons fous, je sais que j'ai enfin trouvé le père, et puisqu'il a été permis que nous en arrivions là, pourquoi nous priver de ce qui pourrait s'avérer une apothéose? Mettre un petit être au monde, l'élever, lui transmettre tout l'amour, toute la culture que nous pouvons, le guider sur le chemin de sa vie, n'est-ce pas le plus beau des projets? Et c'est différent. Mon âge avancé est critique, sinon critiquable. Une trisomie est tout à fait possible. Que ferons-nous? Il ne s'agit pas d'être léger sur ce coup-là. Je rechigne fortement à la pilule du lendemain, encore plus à l'avortement. Objection balayée, votre honneur. D'abord, Jean-Paul a travaillé 8 ans avec des enfants handicapés du système nerveux moteur. Il les a aimés et aidés à grandir comme s'ils étaient siens. Souvent, il les a vus partir. non sans avoir auparavant reçu leur part de bonheur et beaucoup, beaucoup d'amour. De mon côté, depuis que j'ai accompagné mon fils Julien pendant sa trop courte existence de petit myopathe, et que j'ai reçu de lui la plus magistrale leçon de vie, le handicap ne me fait plus peur. Je sais que quoi qu'il arrive, j'ai en moi suffisamment de ressources d'amour pour faire face. Nous sommes conscients que notre démarche est purement égoïste. Après tout, qu'en pense le bébé? Je l'entends déjà hurler à l'adolescence. « J'ai rien demandé, moi !» Mais un être vivant est un être qui, par définition, se reproduit, n'est-ce pas? Avec ses aléas. Fatalitance. Après des heures de discussions passionnées au bistrot d'en face, destinées autant à justifier notre consommation de café qu'à confirmer nos certitudes, nous décidons, en notre âme et conscience, que, sans passer par la dangereuse amniosynthèse, nous le prendrons cet enfant tel qu'il ou elle nous sera donné, avec ce même courage, ce même respect de la vie que Jean-Paul a et m'a appris à avoir vis-à-vis des arbres, des pierres, des plantes, des insectes, des animaux et même, parfois, de quelques habitants de notre belle planète. C'est ainsi qu'en un gai lundi pascal, matin de résurrection christique et printanière, un tout nouveau bourgeon fut greffé sur notre arbre généalogique.